Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dressé le bilan dans son message de Nouvel An des succès des militaires et civils coréens de l'année passée et précisé la position de la politique extérieure du gouvernement de notre République. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a lancé le 26 une communication. En voici le résumé. Cette année, nous appliquerons sans faute les tâches de la politique extérieure présentées par le maréchal dans son message de Nouvel An pour développer activement les rapports avec l'étranger au niveau de la position de la puissance de l'indépendance prestigieuse et du pays possesseur du nucléaire. Nous défendrons nous-mêmes la paix et la sécurité de notre État en faisant un apport à la sauvegarde de la paix et de la stabilité du monde. Développer les rapports de bon voisinage, d'amitié et de coopération avec les pays épris d'indépendance suivant les idées de la politique extérieure, indépendance, paix et amitié, c'est la position invariable de notre parti et du gouvernement de notre République. Cette année, nous élargirons toujours des contacts et échanges avec les pays fiers de longues traditions historiques d'amitié et de collaboration en convergeant les efforts à resserrer les liens d'amitié. Quoique l'idéologie et le régime soient différents, nous améliorerons les rapports avec tous les pays qui nous respectent la souveraineté et nous traitent amicalement en dynamisant des échanges et coopérations multilatéraux dans les secteurs politiques, économiques et culturels. Cette année aussi, nous resserrerons la collaboration avec divers pays du monde sur les arènes internationales comme l'ONU pour rejeter tous les diktats, despotismes et doubles normes, surtout les campagnes d'embargo et pression contre notre République de nature injuste et illégale, implanter un nouvel ordre international indépendant et équitable et aboutir à la véritable justice internationale. Des efforts communs seront dispensés aussi à régler des questions internationales telles que l'antiterrorisme, des conflits et l'environnement et à favoriser le développement et la prospérité commune de l'humanité. Nous resterons à l'avenir aussi fidèles aux idées de la politique extérieure, indépendance, paix et amitié, rehausserons davantage le prestige international de notre République et développeront activement et multilatéralement les rapports internationaux.